Vous écoutez, c'est KRL au 89.1 et nous allons finir cette édition de Futur Simple en allant faire un tour au Salon international du livre de Québec. Vous savez que plusieurs prix sont remis au Salon du livre et parmi eux, parmi ces prix, il y a le prix Hubert Reeves qui, comme on peut s'en douter avec un tel nom, a quelque chose à voir avec la science. Alors la cérémonie de remise des prix vient juste de se terminer et les lauréats viennent d'être nommés. Pour le lauréat du prix Hubert Reeves, je joins au téléphone Brit Pochet qui est sur place au Salon du Livre et qui est chargée de projet et coordonnatrice aux communications à l'Association des communicateurs scientifiques. Bonjour Madame Pochet. Oui, bonjour Valérie. Alors, parlez-moi du prix Hubert Reeves, en fait, qui l'a mis en place et il veut souligner ou récompenser quel type d'ouvrage? Donc, le prix Hubert Reeves a été mis en place en 2011 par l'Association des communicateurs scientifiques en association avec la famille Reeves. Et puis, le but, c'était de souligner des ouvrages de vulgarisation scientifique destinés au grand public. Mm-hmm. Donc, comment ça se déroule? Est-ce que les auteurs envoient leurs ouvrages? Est-ce qu'il y a un jury? Comment que ça se passe? En général, c'est les éditeurs qui envoient des ouvrages qu'ils pensent qui peuvent être intéressants pour ce prix-là. Travaille avec les livres de l'année passée. Donc là, en fait, c'est des livres. Le prix 2014 est remis à des prix qui ont été publiés en 2013. Mm-hmm. J'ai perdu le début, la fin de la question. Il y a un jury de qui c'est oui, qui choisit. Il y a deux jurys. Enfin, donc cette année-ci, là, c'est la première année où on remettait deux prix, donc un prix à un livre destiné aux adultes et puis un prix destiné à des jeunes de moins de 16 ans. Et pour chacun des deux prix, on a mis en place un jury qui est indépendant de la CS et puis qui est indépendant de la famille Reeves aussi. Ouais. Et puis j'ai avec moi donc les présidents des deux jurys. Ah, donc, Michel Leboeuf pour le jury adulte et puis Mathieu Robert Sauvé pour le jury jeunesse. D'accord, donc on va leur parler, mais avant, je voudrais savoir aussi, est-ce que finalement il y a beaucoup de livres qui sont envoyés à ce prix-là? Et en général, il y a une trentaine d'ouvrages. Ouais. Cette année-ci, on en a eu 24 et puis qui se sont parfaitement répartis. Donc 12 pour la jeunesse puis 12 pour le prix adulte. Mm-hmm. Et puis c'est ça. Donc les autres années, on a déjà eu une trentaine de livres la première année. Puis on a eu notre moins bonne année, entre guillemets, on a eu 18 livres il y a 2 ans, je pense. Donc comme vous venez de le dire, vous avez à côté de vous donc les deux présidents des jurys. Donc on va pouvoir voir avec eux comment ils ont effectué leur choix. Peut-être qu'on va commencer avec Michel Leboeuf, c'est ça? Oui, qui est lui président du jury pour le prix adulte. Et puis il me semble qu'il était également lauréat du prix. Oui, Michel Leboeuf a été lauréat en 2011 et en 2013. Et puis le docteur François Reeves a fortement insisté sur le fait que cette année-ci on l'avait nommé président de jury pour éviter qu'il ne remporte une troisième fois le prix. Ouais. Donc lui, il n'avait pas présenté de livre cette année, mais par contre, il est auteur, donc il sait comment, il connaît c'est tout ça, le processus. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc, je vais parler à Monsieur Leboeuf. Bonjour, Monsieur Leboeuf. Bonjour. Oui, d'ailleurs, on s'est parlé déjà. Hein, je pense que l'année dernière, ou peut-être il y a 3 ans, je ne me souviens plus, on s'était parlé pour votre prix que vous aviez reçu. Exact. Donc cette année, on va se parler. Je vais parler au président du jury. Donc vous étiez président du jury pour les livres adultes. Donc c'est quel genre de livre que vous avez reçu? Il parlait de quoi? Quel sujet? Mais en fait, on reçoit une palette assez impressionnante d'ouvrages parce que sous le vocable science, ça peut être à la fois des ouvrages de vulgarisation de médecins, par exemple, qui ont publié des recherches ou qui s'intéressent aux questions sur le cancer, par exemple, sur des maladies particulières, et aussi des livres qui s'intéressent plus à la géographie d'un coin du Québec. Donc, c'est une palette très variée d'ouvrages qu'on reçoit. C'est assez surprenant l'éventail des titres qu'on peut regarder. Donc, ça témoigne aussi d'une belle vitalité de la littérature scientifique de vulgarisation au Québec. Oui. Puis, j'ai une question aussi. Je me pose la question. Ils sont écrits par qui, ces livres-là? Est-ce que c'est des universitaires ou est-ce que c'est des gens qui ont une culture scientifique et qui ont envie d'écrire sur un sujet donné? Ben, je vous dirais qu'à peu près de la moitié, je ne peux pas parler pour les autres années, mais pour cette année, à peu près la moitié des ouvrages, c'était des gens qui avaient une formation, qui étaient soit des chercheurs ou des professeurs d'université qui vulgarisent un sujet, ou encore des médecins. Là, de mémoire, là, on avait 2 ou 3 ouvrages de médecins, de praticiens. Donc, ils ont une expérience clinique, puis aussi une expérience avec les patients. Donc, c'est intéressant, ça amène beaucoup d'humanité dans les bouquins qu'ils vont écrire. Puis aussi, on a dans l'autre côté, l'autre spectre, dans le fond, c'est des communicateurs scientifiques, des journalistes qui vont faire un topo ou un ou plusieurs topos sur sur des sujets. Donc, vraiment, à la fois un spécialiste sur sa matière pointue, mais aussi un généraliste qui va être capable d'écrire dans une langue, dans cette fois-là, souvent un peu plus aérée. Mm-hmm. Et alors, finalement, le jury a porté son choix sur qui cette année? En fait, c'était L'Apparition du Nord. C'est un ouvrage de M. Wilmont Asselin avec des collaborateurs. Hamelin, pardon, pas Asselin, Hamelin. Et c'est un ouvrage qui a été publié aux éditions Septentrion. Un ouvrage magnifique. Le jury, on a eu un coup de cœur sur cet ouvrage-là parce qu'à la fois, esthétiquement, il est magnifique. Donc, c'est la reproduction d'une carte de Mercator de 1595. Puis le regard qui est porté sur la carte avec ce qu'on peut voir de correspondance entre la vision que ces gens-là avaient du Nord à cette époque-là puis celle qu'on a maintenant de la nordicité, parce que M. Hamelin est un spécialiste de la nordicité. Donc, il y avait cette dualité-là là, intéressante de la vision du Nord de très longtemps. Puis le regard qu'on porte, là, il y a des enjeux stratégiques, politiques, militaires sur le Nord. C'est vraiment un ouvrage intéressant, d'une grande rigueur à la fois scientifique puis de sur le plan formel. Là, c'est vraiment un bel ouvrage. Puis plaisant à regarder aussi. Oui, absolument. La jaquette de la carte, la jaquette du livre, c'est une carte, dans le fond, qui se déploie. Ouais. Qu'on peut regarder dans un format assez grand, là, 2 pieds par 2 pieds environ. Ouais. Donc, c'est vraiment c'est un bel objet aussi. Donc, rappelez-moi le titre, là, je l'ai déjà oublié. Oui, alors c'est L'Apparition du Nord. Ah oui, L'Apparition du Nord. Oui, publié aux éditions Septentrion. C'est des gens de l'Université Laval, dans le fond, qui l'ont co-écrit. Ils sont 3, en fait. Ben, merci beaucoup, M. Leboeuf. Donc, voilà le lauréat 2014 du prix Hubert-Reeves adulte. Donc, comme l'a dit Mme Pochet plus tôt, il y a aussi le lauréat jeunesse. Et donc, je vais maintenant parler à Mathieu Robert Sauvé, qui était le président du jury du livre jeunesse. Bonjour, M. Sauvé. Oui, bonjour, je vous le passe. Allô? Oui, donc bonjour Monsieur Sauvé. Donc là, il y a eu peut-être un petit échange de téléphone. Donc il y a eu des livres de vulgarisation scientifique qui s'adressent spécifiquement aux jeunes. On leur parle de quoi aux jeunes finalement pour les intéresser? Les auteurs, on parlait de quoi? On leur parle de chimie, de physique, d'astronomie. On leur parle d'écologie, on parle de biologie marine. Écoutez, je pourrais vous les énumérer. Mm-hmm. Je crois que notre 5 minutes y passerait. Ouais. Donc, mais à ce moment-là, pour intéresser les jeunes aux sciences, est-ce qu'il faut que ces livres se soient plus illustrés, soient plus aérés? Comment on fait pour à quoi ils ressemblent ces livres de vulgarisation scientifique pour les jeunes? Bon, écoutez, vous mettez le doigt sur quelque chose. Il n'y a pas autant de textes que pour un livre pour adultes. Il y a forcément beaucoup d'images. Et je pense entre autres à une collection où on avait 4 numéros de cette collection-là, la collection Savais-tu? Mm-hmm. Donc les hippopotames, il y a un livre sur les crocodiles, sur les éléphants, il y en a un sur les bousiers, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Ouais. Un bousier, c'est un insecte qui se nourrit de d'excréments. Donc, ces livres-là sont extrêmement populaires auprès des jeunes. Ouais. Ils sont rendus à peu près à leur 50e. Et donc, il y a des images qui font toute la page et quelques mots au bas. Et le livre gagnant cette année est un livre très, très, très richement illustré, mais avec des concepts scientifiques très, très clairs, très bien présentés. Mais forcément, on fait des phrases courtes, on résume les concepts, là, on ne rentre pas dans les grandes formule chimique des éléments et du tableau périodique. Et donc, on veut savoir qui est le lauréat du prix Hubert-Reeves Jeunesse 2014? Alors, le lauréat du prix cette année va à Yannick Bergeron, qui est un débrouillard. Mm-hmm. S'il y a des enfants autour de vous, c'est une vedette du monde des débrouillards, parce qu'il fait ses expériences publiques depuis au moins une 20aine d'années. Pardon. Et donc, il publie dans la revue du même nom, la revue des magazines des débrouillards, qui est un mensuel, au moins une expérience par mois depuis longtemps. Mais cet homme, donc, a créé un recueil de ses expériences des 4 dernières années. et ça s'appelle « Au labo, les débrouillards ». Et donc, c'est un livre qui a remporté, je vous dirais quand même de justice, parce que il y avait plusieurs bons livres à la toute fin. Il a fallu qu'on fasse une réunion, les juges, pour trancher, et c'était très déchirant. Mais ce qui a fait pencher la balance vers Au labo, les débrouillards, c'est que les enfants, dans les maisons où les juges avaient à travailler sur ces livres, les enfants se sont emparés de Au labo, les débrouillards, comme étant vraiment le trésor de la journée. Et donc, on s'est dit, bon, ben, c'est la preuve que ce livre-là, non seulement il est bien fait, il y a des concepts de science, il communique bien, il est amusant, il est riche, mais en plus, les enfants l'aiment. Donc, c'est pour ça qu'on lui a décerné le prix. Alors, on va pouvoir aller découvrir ces prix qui sont donc lauréats du prix Hubert-Reeves jeunesse et adulte. Merci à tous les trois. Et je terminerai en invitant les auditeurs à courir au Salon du Livre, car il y aura à 8h une table ronde autour de ces prix Hubert-Reeves et plus largement sur l'écriture de livres de vulgarisation scientifique. Les lauréats seront là, ainsi que Michel Leboeuf que vous venez d'entendre. Et la table ronde sera animée par Valérie Borde. Alors, je rappelle rapidement, nous étions en discussion avec Britt Pochet, coordonnatrice à l'Association des communicateurs scientifiques, Michel Leboeuf et Mathieu Robert Sauvé, les présidents des jurys des prix adultes jeunesse.